Psaume 16. Mishtam de David. Garde-moi, ô Dieu fort, car je me suis confié en toi. Mon âme, tu as dit à l'Éternel, tu es le Seigneur, mon bien ne va pas jusqu'à toi, mais aux saints qui sont en la terre, et à ces personnes distinguées, en qui je prends tout mon plaisir. Les angoisses de ceux qui courent après un autre Dieu, seront multipliées. Je ne ferai point leurs aspersions de sang, et leur nom ne passera point par ma bouche. L'Éternel est la part de mon héritage et de mon breuvage, tu maintiens mon lot. Les cordons me sont échus en des lieux agréables, et un très bel héritage m'a été accordé. Je bénirai l'Éternel qui me donne conseil, je le bénirai même durant les nuits dans lesquelles mes reins m'enseignent. Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi, et puisqu'il est à ma droite, je ne serai point ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui, et ma langue s'est égayée, aussi ma chair habitera avec assurance. Car tu n'abandonneras point mon âme au sépulcre, et tu ne permettras point que ton bien-aimé sente la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie, ta face est un rassasiement de joie, il y a des plaisirs à ta droite pour jamais.